Bon allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Contre-culture hacker. Big Image. Liberté numérique. Société de l'information. Azonge sur 2. De 19h à 20h. Sur Radio Campus. Sur Saucisse Pois Chiche FM. Saucisse Pois Chiche FM. Random. Sur Radio Campus. 106,6 MHz. Saucisse Pois Chiche FM. Un dimanche sur 2. Bidouillage. Ni filtrage, ni censure, nous voulons le net, libre et ouvert. Hack actuel. De 19h à 20h, un dimanche sur deux. Random. Sur Radio Campus. Random. C'est pas une bonne idée. Si quelqu'un d'autre veut le faire, veut le faire. Voilà, bonsoir et bienvenue, vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM, c'est Random, ensemble pour une heure, c'est la numéro 28, et ce soir nous sommes trois. Bonsoir Little Charlie. Bonsoir. Bonsoir DB. Bonsoir, et Martigan à la technique. Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui nous allons parler dans les actus du logiciel libre. On parlera de Adafruit Industries qui offre une récompense pour le code source d'un pilote libre pour Kinect, le nouvel accessoire touchless pour Xbox 360. Dans les actus hackers, on parlera du magazine Frag 67. Il est sorti. On verra le programme du 27C3. Et on aura des actus du côté des hackerspace, notamment à Nice et à Rennes. Dans la rubrique Joyeux Monde de l'InfoSec, exercice à échelle européenne d'une réaction à une attaque globale. On verra un petit peu ce que ça a donné. Et la découverte d'un mode debug caché dans les processeurs d'AMD. Et voilà, notre dossier, on aura une petite interview téléphonique de Philippe Langlois au sujet de l'Akito Ergo Zoom. Et après, on parlera un peu plus amplement de l'Akito Ergo Zoom. Avec bien sûr l'agenda et tout ça entreposé de petites pauses musicales, comme d'habitude. Voilà. Donc ça c'était pour le plan. Du coup, on va enchaîner. Non ? Si. On va enchaîner rapidement sur l'actualité du logiciel libre. C'est juste pour dire, en fait. Bon, cette fois-ci, on va pas trop parler vraiment logiciel libre. C'est juste pour dire que le 4 novembre dernier, donc il y a Adafruit Industries. Yeah. Adafruit Industries. C'est un magasin de matériel électronique DIY assez proche du milieu hackerspace, et qui a donc offert une récompense de $3000 à la première personne ou équipe qui publierait sur la forge de code source communautaire GIT Hub le code source d'un pilote libre pour le nouveau Kinect. Donc le Kinect, c'est un accessoire pour la Xbox 360 qui couple une webcam et des senseurs pour jouer sans manette. Donc comme tu disais, un accessoire touchless. C'est un espèce de truc entre le high toy kinétique de la PlayStation 2. Je sais pas si vous voyez. En fait, c'est juste une caméra, une webcam qui fait deux captures vidéo. Une capture vidéo classique dans le rayon des visibles, dans le spectre des visibles. Et il y a une LED infrarouge ou une lampe infrarouge qui éclaire la pièce dans laquelle les personnes sont. Et qui arrive à traiter la profondeur et à rendre la profondeur dans un calque supplémentaire, en fait. Donc c'est juste une webcam avec deux calques, un avec la profondeur et un avec la vidéo. Donc voilà, merci pour ces petites informations, parce que moi j'ai absolument rien compris à comment ça marchait ce truc. Pour moi c'est juste une webcam qui filme et c'est tout. Mais en fait c'est un peu ça, c'est juste une webcam qui filme et il y a une petite bidouille. Mais là apparemment il y a des senseurs dedans. Il y a des trucs comme ça qui permettent de voir un peu ce qui se passe dans l'espace. Oui, mais justement, c'est juste le Il y a un capteur de profondeur. Il y a la caméra qui traite les infos qu'elle récupère et qui affiche un calque avec la profondeur. D'accord. Et qui essaye de découper un peu les différentes personnes sur le calque. Donc tout ça pour dire ils ont offert $3,000. Alors en fait, au départ, ils ont offert $1,000 et après ils ont monté à 2,000. Et l'info en fait a été reprise par CNET. C'était une petite brève en fait juste pour dire il y a un magasin qui offre $3,000 pour le truc de Microsoft, machin, pour un pilote libre pour le truc de Microsoft. Et l'info sur CNET a été mise à jour ensuite avec la réponse de Microsoft qui a affirmé qu'il ne tolère aucune modification de ses produits qui sont commercialisés avec des technologies visant à empêcher la rétro-ingénierie. Donc en fait, en gros, le Kinect, c'est un bidule avec plein de DRM dedans et le but du jeu, c'est d'empêcher à ce que ça soit utilisé autre part et pour un autre usage que celui prévu par la console de jeu Xbox 360. Et en fait, suite à cette réaction assez méchante et un peu agressive de Microsoft, Adafruit Industries a triplé le montant de la récompense pour lui faire atteindre $3,000 américains, ce qui est c'est quand même assez intéressant comme démarche. Et donc ça, c'était le 4 novembre. Et le 10 novembre, donc à peine 6 jours plus tard, Adafruit a annoncé sur son blog qu'il y avait un gagnant. En fait, c'est un hacker qui bidouille avec plusieurs équipes de bidouillage. Donc, il fait partie d'une team sur l'iPhone et d'une autre équipe sur la Wii. Donc, pas tout à fait un débutant. C'est plutôt quelqu'un d'assez expérimenté qui bosse déjà sur des bidouilles de produits fermés. L'iPhone, la Wii, maintenant la Xbox 360. Et donc, il a publié un début de code pour le support du Kinect dans le noyau Linux. L'affichage, donc la sortie en fait, se fait dans une fenêtre OpenGL, donc du coup ça permet de rendre compte la 3D, etc. Donc le Kinect en entrée et en sortie, on a un affichage 3D OpenGL. Et donc c'est une bibliothèque qui s'appelle LibFreeNect. Elle est disponible sur GIT Hub, hein, comme l'avait dit donc le truc. Donc c'est github.com/openkinect/libfreeNect. Et c'est publié sous licence Apache 2. Alors, c'est quoi la différence entre la licence Apache 2 et la licence GPL ? Il me semble que la licence Apache 2 est un peu plus proche de la BSD, mais je suis pas sûr. Je connais pas trop la licence Apache, en fait. D'accord. Bon, c'est donc la licence Apache 2.0. Je crois que c'est la licence qui a fait que Apache 2 a pas pu être inclus dans le système de base d'OpenBSD. Donc, elle doit être assez proche de la licence BSD, mais avec une clause qui fait chier. Et le site web, du coup, ils ont ouvert un site web qui s'appelle openkinect.org. Donc open, O-P-E-N, Kinect, K-I-N-E-C-T, Kinect, du coup, openkinect.org. Donc qui a été ouvert pour gérer la communauté naissante. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi ce qu'a fait Adafruit dans l'affaire, parce que bon, forcément, c'est de la pub pour une petite entreprise qui fait de la vente par correspondance, notamment. Sauf que, en plus des 3,000 euros offerts aux gagnants du concours, ils ont également donné 2,000 euros à l'Electronic Frontier Foundation, donc le FF. C'est une association qui date des années 80 aux États-Unis, enfin une fondation américaine. C'est la fondation pour la frontière électronique, donc ils sont pour le logiciel libre, ils sont pour le droit des robots, ils ont vraiment une vision assez ouverte sur la technologie, sur la science, une réflexion très profonde depuis les années 80. Et donc ils défendent notamment les droits des individus face aux grandes mégacorporations comme Microsoft. Parce que Microsoft, quand même, avait carrément annoncé, dans sa petite annonce qui avait été reprise par CNET, Microsoft avait annoncé travailler avec les forces de police pour conserver le Kinect protégé et fermé. Et là, c'est l'inverse. On en fait un truc ouvert pour un usage de bidouille, par exemple. On va pouvoir mettre des Kinect dans des robots. Maintenant qu'on a un code libre, et qu'on peut faire tourner le Kinect en dehors, enfin, qu'on peut le faire tourner... Parce que le mec qui a développé le pilote, il a même pas d'Xbox chez lui. Il le fait tourner sur son PC, en fait. Ce truc n'était pas prévu à la base. Donc du coup, on va pouvoir imaginer des emplois du Kinect sur des robots, pour de la robotique, pour de la cybernétique, sur des capteurs intelligents, sur j'en sais rien. Ou même le contrôle des interfaces graphiques par des mouvements sans souris. Ah oui, on avait vu un truc comme ça à Lille, c'était à Eura Technologies, dans les bureaux du... Alors c'est le... CITC. CITC, exactement, ouais. on avait vu un truc comme ça avec. Et donc toujours pour rester sur la Kinect, il y a Microsoft qui a fait donc ces derniers jours un virage à 180 degrés. Il y a Alex Kipman, donc le directeur Xbox de tout ce qui est incubation des technologies, qui a dit que en fait ils avaient laissé le Kinect ouvert par design, par essence. Et bah voilà, il y a quelqu'un qui a écrit un driver open source. Et bah, vu qu'on protège pas la Kinect par le port USB, voilà, c'est bien. Et, c'est exactement l'inverse de ce qu'ils ont dit dans la première annonce, quand même. Donc ça, c'était une news publiée sur Slashdot hier. Slashdot a publié là-dessus. Ah bah d'accord. Bah donc voilà. Du coup, c'était un peu la totale pour l'actualité du milieu hacker. Il n'y a pas eu des sorties de distribution, là, qu'on rigole 5 minutes Je crois qu'ils ont traité dans l'écho des gnous. Ouais, il n'y a pas une Fedora qui est sortie ? Si, la 14, ouais. Un Fedora 14 est sorti. Sinon, il y a NetBSD qui est sorti. Ah oui, en 5.1. Cette semaine, non. Mais c'est juste une release de... Comment dire... Enfin, c'est pas une release majeure, quoi. C'est la branche 5.1 qui a été ouverte par rapport à la branche 5.0. Du coup, on va passer... À l'actualité du milieu hacker, on va peut-être passer un petit peu de musique actualité. Ou pas hacker. Actualité hacker. Actualité hacker. Bon. Actualité hacker. Ce jingle me tue à chaque fois. Alors, la grosse news, quand même, parce que ça, c'est extrêmement important. Voilà, le FRAC 67 a été publié. Alors, FRAC, qu'est-ce que c'est ? Ben, FRAC, c'est un magazine électronique underground hacker. Qui a commencé sa carrière il y a 25 ans tout pile, donc en 85 du coup, hein. J'ai peur de me tromper. Donc c'est un magazine électronique c'est l'un des deux piliers, l'un des deux grands piliers historiques du mouvement hacker. Il y a FRAC et puis il y a 2600. Donc c'est un magazine électronique assez old school en fait sur la forme, parce que bon bah c'est juste un fichier texte qui est distribué comme ça en anglais, puis alors que c'est un magazine international, enfin bon c'est un magazine international, donc toute la distribution se fait en anglais. Et désolé, je me mouche, tout le monde me regarde dans le studio. Et ben donc voilà, donc en fait là comme d'habitude, hein, c'est toujours une grande nouvelle. Le 67e numéro a été publié. Donc en fait, ça a été long. On avait commencé à en parler au printemps. On s'en était fait l'écho dans Random à plusieurs reprises, puisque la première annonce devait être publiée donc au mois de juillet pour une éclipse solaire. Ensuite, il devait être publié au mois de septembre. Ensuite, il n'y avait pas de date. Et puis là, donc le 11 novembre dernier. Le FRAGstaff a annoncé sur le site web donc une troisième date pour la sortie du 67, et c'était le 17 novembre, date annoncée. Alors au départ, j'avais pas bien vu pourquoi le 17 novembre, en fait, c'est juste parce que c'était l'anniversaire des 25 ans de la publication du premier numéro. FRAC a fait son quart de siècle de publication underground. En publiant des trucs pour des montages électroniques pour brouiller les émissions GPS, des articles de sécurité informatique sur l'exploitation de bugs de sécurité qui sont juste des références mondiales en la matière, même 10 ans ou 15 ans après, du web, de l'exploitation de noyaux, de l'exploitation en espace utilisateur. L'exploration des différentes scènes hackers internationales, donc la scène française, la scène américaine bien sûr, les scènes brésiliennes, les scènes d'ailleurs on va en reparler, il y a vraiment un contenu aussi riche que dans Random quoi. Voilà. Alors celle-là vas-y, comparer Random à FRAC, vas-y amuse, c'est une boutade, c'est une petite boutade, hein, s'il y a des gens du FRAC staff qui écoutent. Donc voilà, alors ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que ces 3-4 dernières années, il y avait un... Alors les gens qui nous appellent, faut nous appeler pendant les plages musicales, s'il vous plaît. Donc il y avait en fait un FRAC staff qui avait publié trois numéros. Les trois derniers numéros avaient été publiés par un Fragstaff, et donc un comité d'éditeurs. Et là, c'est un nouveau comité d'édition qui se fait jour et qui publie donc ce nouveau frac, avec comme d'habitude, énormément de choses très différentes, des articles techniques, des articles non techniques, les choses un peu habituelles, l'introduction, le profile, donc l'interview, les world news, le loopback, donc le courrier des lecteurs, et puis le retour également de la petite séquence International Scenes, donc voilà. Je vais le faire un petit peu dans l'ordre, donc l'intro comme d'hab. C'est un éditorial avec plein de private jokes, qui revient un petit peu sur le passé de Frax, sur le fait que Frax c'est le magazine qui dure depuis 25 ans et qui est toujours là et qui continue à avancer malgré tout, qui a survécu à tous les débats internes au milieu hacker, tous les mouvements, les white hat, les black hat, les anti-sec, les électroniciens, les tout ce que tu veux, Frac à vue et peut encore en parler. Le profile, cette fois-ci c'est sur Punk. Bon, je suis pas un grand fan de ce truc là. Interviewer des gens, bon, après tout, il y a Random pour ça. Non, mais là, bon, c'est assez intéressant encore une fois de voir un peu comment les gens un petit peu historiques du mouvement qui ont commencé dans les années 80-90, ce qu'ils ont à dire. Voilà, là il y a une petite phrase assez intéressante sur Julian Assange par exemple. Il y a une question qui est posée sur WikiLeaks. Est-ce que c'est bien WikiLeaks? Donc le mec répond oui, WikiLeaks c'est bien, mais Julian Assange, entre parenthèses, Julian Assange, donc le porte-parole de WikiLeaks, la justice suédoise a demandé son arrestation. On t'a pas entendu, vas-y. Donc il y a eu l'émission par la justice suédoise d'une notice rouge pour Interpol. Donc en gros d'un mandat d'arrêt international. Alors, il est bien précisé qu'une notice rouge ne présume pas de la culpabilité de la personne, mais là tout est fait pour vraiment montrer un Assange coupable. Alors, les affaires de viol, c'est jamais au hasard. Dans la très très grande majorité des cas, les accusations de viol sont fondées. Et donc on pourrait le croire. Par contre, il y a quand même une proximité troublante avec la révélation du deuxième paquet de données sur l'Irak à 48 heures, moins de 48 heures après la publication des données sur l'Irak. C'est quand même. A priori, c'est jamais cool ce genre d'histoire, mais. Il a démenti officiellement. Après, bon. Ouais, ça vaut ce que ça vaut. Forcément, il est pas retourné en Suède, il a pas donné d'explication plus que ça. C'est super chaud comme histoire quand même. Le frac profile sur Punk, les World News, comme d'habitude, les petites news un peu Speedy Gonzales sur ce qui se passe. Dans le loopback, donc qui est le courrier des lecteurs, il y a une petite news assez intéressante parce que justement, je reparle après du projet de traduction en langue française de ce magazine. Dans lequel je suis un peu impliqué depuis 2003 quand même. Le loopback, il y a un courrier des lecteurs sur un lecteur italien qui souhaite publier une traduction italienne de Frac. Bon courage, parce que vu que je connais un petit peu la problématique de la traduction de ce magazine, bon courage. Mais ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui souhaitent un peu traduire Frac et l'offrir un peu ce grand morceau de l'héritage du mouvement hacker dans une autre langue que l'anglais, quoi, qu'on puisse se l'approprier. Alors je crois que Lille a gagné. Et oui, je crois que Lille a gagné. Voilà, bon, c'est bien. Quelle horreur. Ensuite un article assez, encore une fois, ça montre un petit peu l'étendue en fait du spectre de publication de Frac. Un article qui s'appelle How to Make It in Prison. Comment réussir à survivre en prison. C'est un peu le type de le thème de l'article. C'est un article, donc c'est sur une prison américaine, donc c'est très américano-centré, quoi. Sur comment survivre en prison, les différentes techniques. J'ai pas encore lu l'article, donc je peux pas en dire plus que ça, mais voilà, c'est un article non technique qui explique comment survivre en prison dans frac, donc expliquer à des hackers, etc. Ça peut éventuellement servir. Ça peut éventuellement servir la prochaine fois que les NTEC viennent. La prochaine fois que la gendarmerie vient perquisitionner sans commission rogatoire chez moi, c'est ça? un autre article, donc Kernel Instrumentation Using Caprobs, j'ai pas lu, mais encore une fois, bon ben voilà, c'est du noyau, ça doit être du Linux à tous les coups. Caprobs, oui. J'ai du Linux. Hein. Alors, l'article que j'ai commencé à traduire, ProFTPD with SQL Mode Authentication Remote Root, donc de chez FedEmenas. Alors, ça, encore une fois, bon, FedEmenas, je pensais qu'ils étaient morts, mais. Voilà, ils sortent un article dans Frac. Donc un débordement dans le tas, un heap overflow dans une version pas à jour de ProFTPD. Donc ProFTPD, c'est un des serveurs FTP. Donc FTP, c'est un protocole de transfert de fichiers. ProFTPD, donc c'est l'un des gros players dans le monde un petit peu des serveurs FTP dans ce marché-là, on va dire. C'est un truc open source. Donc un logiciel libre et là donc là il y a l'exploration complète de A à Z, hein, c'est-à-dire de la découverte du bug jusque son exploitation, comment ça marche avec toutes les étapes de recherche, le fuzzing pour la faille, etc., tout le cheminement, tout le raisonnement technique et intellectuel pour arriver du moment où j'ai trouvé un problème, qui est une opération de copie non bornée, donc voilà, on copie des trucs dans un buffer et puis on vérifie pas la taille des données qu'on a copiées, donc on risque d'écraser des données en mémoire en copiant trop loin et en débordant donc sur le tas. Et donc le problème, c'est que c'est une version pas à jour, donc bon, ça sert pas à grand chose. Mais techniquement, c'est toujours intéressant. Après, voilà, techniquement, c'est super intéressant. L'objectif, c'est pas forcément d'exploiter, hein, c'est d'étudier, de comprendre. Et... Dans le cas de FedEmenas, si, un peu quand même. C'est un petit peu le but du jeu. Peut-être parce qu'ils ont mis du temps à l'écrire. Ouais, peut-être aussi, ouais. Bah ouais. Et donc, voilà, ça, c'est encore joli, encore une fois. Je veux dire, on suit le truc, et puis c'est. Techniquement, c'est très très beau, encore une fois. Hein. C'est pas n'importe quoi. J'en suis à 50% de l'introduction, donc on risque de le sortir un de ces quatre. De l'exploration, ensuite The House of Lore, Reloaded Pity Malloc, V2 et V3. Là, j'ai pas lu l'article, donc je peux pas vous en dire plus. Un article sur les formats string, encore une fois. Donc, oui, ce numéro de frac est très orienté, c'est dit dans l'édito, je crois. C'est très orienté sur l'exploitation en userland, donc en espace utilisateur, donc en l'exploitation de bugs pas dans le noyau. Voilà, donc du format string, du ProFTPD, de l'analyse dynamique de programme dans le cadre de l'exploitation de failles, l'exploitation de corruption de mémoire en Fortran. Sous environnement Unix VMS, donc voilà, des gros trucs, des trucs vraiment barbus pour le coup. Voilà. Du freaking, de l'exploitation à distance de Stack Overflow, donc de débordement sur la pile. Encore un article dans toute cette. Il y a une petite série en fait qui a été lancée par le frac staff précédent, donc le comité éditorial précédent qui était le Circle of Lost Hackers, donc le cercle des hackers disparus, qui avait lancé un truc Hacking Your Brain, donc bidouillage du cerveau, donc neurosciences, un petit peu les trucs un petit peu ésotériques, tout ça. Il y a encore un article là-dessus, donc Hacking the Mind for Fun and Profit. Mais là-bas, c'est n'importe quoi. Je signale quand même que le bar de Radio Campus est en train de faire beaucoup de bruit. Et puis un article sur les international scenes pour finir. Donc ben là cette fois-ci, ce sont les... Sur les scènes internationales pour faire francophone. Pour les, oui, tout à fait, les scènes hacking internationales. Cette fois-ci, l'Inde et la Grèce sont à l'honneur. Ben voilà, il y a des hackers, que ça soit ben, en Inde, donc en Asie et en Europe. En Europe de l'Est, c'est plutôt même l'Europe du Sud, par là, on peut dire. L'Europe du Sud, c'est que l'Italie et l'Espagne. Bon, enfin bref, donc la Grèce, un grand pays historique de l'histoire des maths, etc. Et voilà, bon, c'est un article, comme d'habitude, assez trollesque, parce que forcément, voilà, on explique les différents groupes, etc., qui sont dans... qui tourne en fait dans un milieu donné, et donc bah ça crée toujours des jalousies, des tensions, des ragots, des tout ça, parce que bon, donc voilà, juste pour conclure là-dessus avant qu'on passe un petit peu de musique, je pense. Oui. Après on finira les news après. L'équipe du projet Frac FR donc travaille déjà à la traduction de ce numéro. On a publié un communiqué donc sur www.dg-c.org/fracfr. L'intro est déjà traduite, elle est en cours de relecture, il y a 6 ou 7 articles qui sont en cours de traduction à l'heure actuelle. On espère pouvoir publier rapidement cette sortie-là en français. Vous notez que c'est important quand même d'avoir ces articles-là en français. C'est un des grands piliers historiques du mouvement hacker, comme je le disais tout à l'heure. C'est une solution en fait pour avoir accès un petit peu à ce que dit la contre-culture hacker et à l'héritage du mouvement hacker en langue française. Donc même si la VO est toujours mieux, une VF c'est toujours intéressant. On passe un peu de musique ? C'est parti. Random, l'émission qui parasite. Voilà, donc vous venez d'écouter, c'est Dubstep par Oliconi, mais c'est une version retravaillée par Shintech, et pas mal retravaillée quand même. Ouais. Donc voilà, on continue avec les actualités. Alors l'actu du milieu hacker, pour dire que le programme du 27C3 a été dévoilé au public, c'était la semaine dernière. C'est le 27C3, donc le 27e Chaos Communication Congress, qui a lieu tous les ans depuis 27 ans entre Noël et Nouvel An à Berlin. Enfin, au départ c'était pas à Berlin, mais on va dire que voilà. Donc cette année ça tombe du lundi 27 au jeudi 30 décembre 2010. Toutes les infos sont sur events.ccc.de/congress/2010. Et donc là le programme des confs a été publié. J'ai pas trop regardé parce que de toute façon je peux pas me payer le voyage jusqu'à Berlin, donc je m'en fous un peu. Mais il y a du covoiturage à partir de Paris, il me semble, pour y aller. Je crois qu'au Templab, ils s'organisent pour y aller, donc voilà. Donc le programme est disponible, c'est sur le wiki de l'édition 2010 du congrès, donc le 27C3 à Berlin, fin décembre. Sur l'actualité des hackerspaces, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'actu des hackerspaces, donc on a appris qu'un hackerspace est en cours de création à Nice, il s'appelle le Nice Lab. La démarche est déjà pas mal formalisée. Ils ont déjà un document fondateur qui est assez intéressant à lire. Je vous invite à contacter donc le truc qui se crée, c'est sur nicelab.org, donc nice nice lab lab.org. Nice lab, je sais pas trop comment on dirait. C'est le live de Nice, yeah. Et il casse. J'abuse, c'est interdit. Je crois qu'on va couper ton micro. Oui. Donc voilà, donc un nouveau hackerspace à Nice. Voilà, ça fait un hackerspace dans le sud, ça en fait deux avec Toulouse. Alors du côté de Rennes, on en avait parlé rapidement quand on avait eu Sébastien et Valérie de l'organisation du Braille Centropy Congress. C'était au printemps 2010. Je me souviens plus des dates, c'était au mois de mars, je crois. Il y avait donc le Braille Centropy Congress qui était en filigrane, il y avait quand même la volonté de monter un hackerspace à Rennes. C'est en train de se faire. Il y a un rapprochement entre le collectif de hackers de l'organe du Braille Centropy Congress et les occupants de Les Laboratoires. Donc Les Laboratoires, c'est un collectif artistique autogéré. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'espace web, mais il y a une. Tout se passe sur le site web du Braille Entropy Congress, qui était braille-entropy.org. Braille comme Bretagne en breton, Breizh-entropy avec un Y, parce que c'est anglais, et .org. Et donc il y a une liste de diffusion et c'est en train de se faire. Voilà, il y a un hackerspace qui se monte à Rennes également et c'est plutôt cool. Ils ont un canal IRC aussi, Braille Entropy sur Freenode. Voilà. Du côté de l'Electrolab, l'association, je crois qu'elle est fondée, il me semble. Donc l'Electrolab, le hackerspace qui se monte à Nanterre. Donc très orienté. Avec déjà les bâtiments qui sont entièrement bidouillés, entièrement faits à la main, les murs, les escaliers, oui. Le sol. Ouais, c'est les bâtiments qui ont été mis à disposition par une entreprise. Ils ont donné tout le sous-sol et le problème c'est que le sous-sol était dans un état assez dégueu. Et ils ont retravaillé, ils ont poncé, ils ont reposé du béton, ils ont pété des vitres, je crois, et ils ont aménagé tout le truc. Ouais. Donc tout aménagé à la main. Il y a un projet très intéressant qui déjà a pris vie à l'Electrolab sur la remise à neuf de Volta, donc des voitures qui avaient été commandées par EDF pour leurs employés. Et donc avec une optimisation du moteur, du stockage de l'électricité, de la récupération d'énergie. Voilà, un projet à mon avis qu'on suivra et qu'on commentera certainement dans l'émission. Quoi ? Dans les hackerspace, ils font du tuning ? Jackie Tuning. Ça clôt un petit peu notre rubrique sur l'actualité des hackerspace. Rapidement, une petite section sur le joyeux monde de l'infosec. Il y a eu un exercice à l'échelle européenne de réaction à une attaque, dans le cadre de la cyberwar, tout ça, la cyberguerre et tout ça. Donc, bien entendu, tout un tas de médias assez médiocres comme Zataz et autres s'en sont fait les gorges chaudes. On va quand même dire quelques mots là-dessus. Par rapport aux exercices de l'armée américaine où il y a vraiment des vraies offensives. Là, il me semble que ça tournait essentiellement autour de la gestion d'une attaque par DOS, par déni de service. Ouais. Donc une attaque par saturation des ressources des différents membres impliqués. Ce qui est vraiment une attaque basique. C'est le niveau zéro de la cyberguerre, quoi. Voilà. C'est ce que se prend la DOPI ou d'autres trucs qui font chier un peu les gens sur Internet. Et donc voilà, rien qu'au niveau du budget qui est alloué à cet exercice et à l'agence européenne de gestion de tout ce qui est cybersécurité, c'est ridicule vis-à-vis des autres États qui ont des démarches similaires en matière de sécurité. Donc voilà. Ça n'a même pas déclenché un troll chez Fernog quand même, cette histoire. Donc c'est dire si tout le monde s'en fout, sauf Zataz. Qui s'en fait vraiment les grandes choses. Et puis un autre truc intéressant, c'est qu'il y a un debug mode. Attention, ça c'est énorme quand même. Il y a un debug mode secret qui a été découvert dans tous les processeurs AMD des 10 dernières années. Ça démarre avec l'AMD Athlon. Et donc en gros, ça permet de faire quoi ? Le concept en fait, c'est que ce sont des fonctionnalités de debugging supplémentaires que celles qui sont prévues dans la norme X86 en fait. Donc ça permet d'activer des fonctionnalités du processeur en plus et ouais. Donc de changer son comportement. Non, pas forcément de changer son comportement, c'est juste des infos de debugging. C'est juste, voilà, je suis pas trop un expert en reverse engineering et en assembleur x86, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais voilà. Alors, l'info est quand même sortie sur, est quand même pas sortie n'importe où, c'est sur les forums de woodmad.com. Donc, une des grandes communautés internationales, référence en la matière, en matière d'ingénierie reverse, d'ingénierie inverse de logiciels. Donc, RCE. Le truc a fait le tour de la planète, sachant qu'en plus AMD n'a pas fait grand chose pour couper court aux spéculations. Et maintenant, donc après la découverte, il y a une équipe qui s'est formée pour valider et formaliser les résultats. Alors ce debug mode, en fait, il s'active simplement en mettant une valeur précise qui a été découverte par force brute dans le registre EDI, donc un des registres utilisé pour notamment le traitement des chaînes de caractères en assembleur. Donc voilà quoi, donc un debug mode dans les processeurs d'AMD sur les 10 ans. Ça remet en fait encore une fois la question de la recherche ouverte et indépendante dans les produits technologiques. Voilà. Et là, du coup, la dimension sociale et politique du mouvement hacker, toute cette démarche en fait qui consiste à pas faire confiance aux grandes méga corporations qui produisent du logiciel ou du matériel, mais faire des recherches indépendantes soi-même chez soi dans son coin et puis publier les résultats sur internet, ça a un intérêt intéressant qui est voilà, AMD avait un debug mode activé dans ses processeurs depuis 10 ans, ne l'a jamais dit. Il y a combien de développeurs et de développeuses de logiciels, y compris de logiciels libres, qui auraient pu s'en servir pour débugger, pour pouvoir développer correctement du code depuis 10 ans, quoi. Voilà, sur ce, on va passer un peu de musique avant de passer à l'interview. Ouais. Juste, on passe quoi comme musique ? Death of Acta ? Death of Acta, ouais, c'est parti. Je le présente avant ? Je pense, ouais, ça pourrait permettre de mieux capter le contenu par la suite. Ouais, je lis les paroles juste avant ou juste après. Ouais, plutôt. Ouais, vas-y. Alors, c'est Dan Boole. Dan Boole, donc un hip-hop assez, enfin un rappeur assez assez orienté geek, hacker, tout ça. Il avait déjà publié un truc, une musique assez méchante contre Lily Allen quand elle s'était déclarée contre le partage sur Internet, le peer-to-peer, tout ça, et qu'elle s'était déclarée pour les lois sécuritaires d'Internet sur le partage de fichiers. Cette fois-ci, en fait, il tape sur l'ACTA. Donc l'Anti-Counterfeiting Trade Agreement, l'accord commercial anti-contrefaçon. Ouais, donc voilà, qui est un truc qui se fait, qui vise notamment le médical, les brevets pharmaceutiques et les brevets logiciels, donc un durcissement des lois de la propriété intellectuelle. Qui touche aussi à tout ce qui est OGM, oui. Il y a le droit des journalistes, le droit de reprendre certaines infos ou de certaines images, je ne sais plus. Faut dire que c'est un texte fourre-tout qui vise surtout à lutter contre le partage d'informations, le partage de la culture. Et donc voilà, et à l'assimiler à un délit de contrefaçon. Oui. Parce que c'est quand même un truc sur la contrefaçon. Et criminaliser certains délits, donc renforcer la répression. Un durcissement de la politique de sécurité, un durcissement des. Voilà, des traités de propriété intellectuelle au niveau mondial. Un truc qui est négocié en secret depuis quelques temps maintenant, qui est dénoncé par tout un tas d'organisations, notamment la Quadrature du Net en France, et puis des GSC aussi, tant qu'on y est. Je vous cite un petit peu des paroles, je vous cite un couplet de cette chanson qui est quand même assez énorme. « Je ne suis qu'un citoyen qui donne une leçon sur les restrictions faites à ma liberté d'expression. Si les vieux thèmes du blues n'avaient pas été utilisés par Led Zeppelin, nous n'aurions jamais eu droit au heavy metal. L'histoire de la musique n'aurait à peine commencé. » Et ironiquement, Metallica n'aurait pas existé pour affirmer qu'il faut nous pendre haut et court. Nous n'aurions pas eu droit au rapport Gallo. Au fait, à propos de ce rapport Gallo débile, rempli de signatures qui ont tout l'air d'être falsifiées, cette merde est sinistre et on ne peut pas laisser se transformer en loi. Alors dites à vos ministres et vos députés comment il a été truqué, même si vous aurez probablement droit à de la langue de bois. Du fait de leur couille, que les lobbyistes tiennent à bout de bras. Si j'étais le patron, je leur montrerais la porte parce que j'en ai assez des arnaqueurs corrompus qui ficellent ces lois. Qu'est-ce qui tuera la créativité, si ce n'est pas le fait que nous ne puissions télécharger une chanson entendue 1000 fois à la radio sans avoir à payer ? Ça doit être des gens qui créent avec amour des mixtapes et des mashups pour partager avec d'autres amoureux de la musique. donc Dan Bull des Sofacta. C'est une chanson qui est sortie au mois d'octobre. La traduction du texte, elle est de Fabrice Épelboin, donc chez Read Write Web. Donc merci à lui, et puis on le salue au passage. On vous passe tout de suite cette musique, et après, interview de Philippe Langlois, fondateur du Temp Lab, pour qu'il nous parle du Akito Ergo Sum. On revient juste après sur Radio Campus. Voilà, vous êtes sur Radio Campus, 106.6 FM, c'est random, à tout de suite. He did a song about what he thought was destroying our rich musical culture. But I don't think it's auto-tune. It's something much worse. Only rapper to be called a thief without stealing. Download an MP3 for free, these people hit the ceiling. I'm just a citizen that's teaching you a lesson for restricting my freedom of expression. How can ideas be possessions when they're freely replicable? Hence, unapplicable property laws are reprehensible. Didn't Jefferson express his opinion on the matter when he said invention shouldn't be given a patent? What happened to that thinking? We're stuck in a pattern where the people with everything are keeping everything from us who haven't. We want it back, look, fed up of adverts. Left and right begging me to buy till there's nothing left of mine to spend. Never mind, who's next in line to testify that we need laws like these to protect our rights? Medicine has never been something I'd ever deprive, especially when a life depends on it to survive. Yeah, it takes an incredible effort to develop a right, but putting wealth over health, I said it's never been right. What will kill creativity? If it's not the overload of conveyor belt, manufactured ringtone pop, it must be amateur producers using uncleared samples to advance the legacy of the artists that inspire them. I'm just a citizen that's teaching you a lesson for restricting my freedom of expression. And I reckon if old blues themes hadn't been used by Led Zeppelin, we wouldn't ever have any heavy metal, and the history of music would have never even happened. And amusingly, there wouldn't even be a Metallica to tell us that we should hang on the gallows of law, so we wouldn't even need to have a gallows report. Oh, and by the way, the freaking gallows support is made of signatures which have been apparently forged. This shit is sinister and cannot be allowed to enforce. So tell your ministers and MEPs of how it's been brought about, although you'll probably get a shallow retort because the lobbyists have got a grip around all their balls. If I was boss, I'd tell them get the hell out the door, because I've had enough of corrupt crooks ramming through laws. What will kill creativity? If it's not the fact we can't even download a song we've heard 1,000 times on the radio without being charged for the privilege, it must be the fans lovingly crafting mixtapes and mashups to share with like-minded musical enthusiasts. I'm just a citizen that's teaching you a lesson for restricting my freedom of expression. Yes, and deep packet inspection, squeeze that up your rectum. If your postman did that to you, you'd be having him sectioned, arrested for meddling in your private affairs. But it's only online, right? So why should we care? Because digital rights should be applicable right here in real life, and we're not criminals, right? So this is just why we'll never give up the fight to be considered innocent until we kick up and die. Giving internet providers responsibility for the whims of their subscribers infringes privacy. Before the internet, media was a rarity, but how do you expect it to keep its value without scarcity? And that's what scares me, seeing their cons and schemes to stop their creaking business model being obsolete. What a robbery they pull off so obviously. Don't give a fuck who it affects as long as it's not me. Well, I'll keep making copies, see if they can stop me. They'll have to confiscate my PC and take it off me. See, there's no problem with taking my property for creating some lines of binary blatant hypocrisy. Afraid to face the controversy related to what we need, making a profit off it or breaking monopolies. What will kill creativity? If it's not the stranglehold the record industry has over broadcasting media, meaning only the chosen few marketable marionettes get a sliver of the pie, while the rest fight for the stale crumbs on the floor. Is it me? Voilà, donc vous êtes de retour sur les studios de Radio Campus, 106.6 FM, c'est random. Et voilà, donc nous avons un invité en ligne, donc tu présentes l'événement et on prend juste après. Ouais, tout à fait, ouais. Oula. Random, l'émission aléatoire. Mmh. Nous sommes en ligne avec Philippe Langlois, fondateur du Temp Lab, pour une interview de présentation et promotion un petit peu du Akito Ergo Sum 2011. Donc c'est une conférence qui aura lieu du jeudi 7 au samedi 9 avril 2011 à Paris. L'appel à proposition vient d'être publié, donc akitoergosum.org. Philippe, est-ce que tu es là? Oui, bonjour. Oui, hop, est-ce qu'on peut monter un petit peu le son? Ouais, ouais. Hop, hop, hop. Bonjour, bonjour. Voilà, bonjour Philippe. Donc je vais te demander, déjà merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je vais te demander déjà de te présenter un petit peu. Donc, je m'appelle Philippe Langlois, je suis dans le monde de la sécu depuis assez longtemps. Et donc, je suis un des cofondateurs du DEMPLAB et le créateur de Akito Ergosum l'année dernière, qui a été la première édition de cette conférence orientée recherche en sécurité et internationale. Et donc, cette année, comme on dit en France, on remet le couvert. D'accord, donc Akito Ergosum 2011. Tu peux nous présenter un petit peu le concept de l'événement, son positionnement par rapport à d'autres conférences de recherche en sécurité informatique? Oui, tout à fait. Alors, Akito Ergosum, le but, c'est de faire une conférence qui soit accessible à des gens qui viennent de l'étranger. C'est-à-dire de sortir un peu de notre réflexe gaulois et d'aller vers un événement qui soit ouvert aussi bien à des gens qui viennent assister aux conférences que des gens qui viennent donner des conférences. Donc, l'année dernière, on avait la majorité des talks qui étaient en anglais. Cette année, ils le seront tous. Donc, on sera entièrement avec des conférences qui seront en anglais. Et le but, c'est vraiment de faire communiquer les chercheurs indépendants en sécurité, les personnes qui sont dans des sociétés, donc ce qu'on appelle l'industrie, des personnes qui sont plutôt du côté gouvernemental, et puis des personnes qui sont éventuellement plutôt d'un côté plus dark. Je pense qu'il y a des choses super intéressantes de tous les côtés. C'est le principe de l'innovation, c'est qu'on ne sait pas d'où elle vient, mais par contre, quand elle arrive, il faut être prêt à la recevoir, l'accueillir et la favoriser. Mais en gros, c'est un peu le but. On pense qu'il faut aller encore plus loin que la sécurité transparente, continuer à se battre contre la sécurité par l'obscurité. Vous parliez de AMD qui parlait même pas de ses modes de debug dans ses processeurs. Je pense que c'est un peu comme la liberté ou la démocratie. Tant qu'on se bat, si on se bat pas pour quelque chose qu'on a acquis, on le perd. On a vu toutes les tentatives de blocage du reverse engineering, blocage de la recherche en sécurité, ce qui est assez terrible en France, par exemple. Donc nous, notre but, c'est de promouvoir une recherche libre, décomplexée et venant de tous horizons. Justement, parce que alors, déjà, premièrement, tu disais ouvrir un peu la porte à la recherche indépendante en sécurité informatique, qu'elle provienne de l'industrie, qu'elle provienne du monde gouvernemental, donc du business de la défense, et en même temps du milieu hacker. Oui. Comment tu arrives à gérer trois sources comme ça de recherche en sécurité informatique sans que tout le monde se foute sur la gueule, parce que j'imagine mal des conférenciers hackers et des conférenciers gouvernementaux ou industriels dans la même pièce, et en plus comment tu réussis à faire ça en France alors qu'on a tout un tas d'arsenal juridique contre justement la divulgation de failles de sécurité, etc. Je pense qu'au final, les autorités vous reconnaissent quelque chose, c'est si c'est fait en bonne foi pour améliorer les choses, pour développer la connaissance. La connaissance illégale, ça n'existe pas. Il n'y a que les actions qui peuvent être illégales. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'on l'a déjà prouvé l'année dernière, on a réalisé quand même des nouvelles classes de vulnérabilité, notamment avec la présentation de Julien Vaneg, qui bosse chez Microsoft. Pourtant, on pourrait dire pourtant, et pourtant c'est bien naturel, on va tous dans la même direction, c'est faire en sorte que notre expérience avec l'informatique soit tout simplement plus agréable, plus sécurisée, et avec moins de risques et d'épées qui nous volent au-dessus de la tête. Donc de la même manière, on ne peut pas accepter une épée de Damoclès juridique au-dessus de la tête des chercheurs. Et il ne faut pas oublier que derrière, il y a des lois qui sont un peu étranges pour le moins, que ce soit du côté LCEN, DATI ou autre futur LOPSI, du côté informatique, on peut se dire que les forces de police ont d'autres chats à fouetter que les chercheurs en sécurité, que les gens qui font du reverse engineering utile. Donc à partir de ce moment-là, c'est assez simple de faire cohabiter toutes ces personnes-là. C'est des personnes qui sont passionnées, qui font des choses bien. On a des personnes qui ont présenté l'année dernière, qui cautionnent cette année avec le programming committee cet événement. Je crois que c'est pas des moindres. Maintenant, on attend que les gens fassent ça en bonne intelligence. D'accord. Alors justement, tu parles du programme committee. Je crois qu'il y a quand même donc le comité de lecture et de sélection des conférences qui seront présentées lors de l'événement en avril. Il y a quand même des signatures assez prestigieuses au niveau mondial pour ce Akito Ergosum, non? Oui, tout à fait. Déjà l'année dernière, on avait eu des gens excellents qui nous avaient aidés et ensuite qui étaient venus présenter. Cette année, effectivement, on a des gens comme Tavis Ormandy, ou Dino Daizovi, ou Alexander Sotirov, ou Barnaby Jack. Signatures assez prestigieuses aussi, que ce soit Immunity, Stratsec pour Laurent Gaffier, ou des gens, même ZDI de Facebook ou Taio Active. Voilà, même Spender de Gear Security. Oui, j'ai vu Spender, il y a du Tezo ici, il me semble. Ouais, tout à fait. Il y a du THC. Bref, on a des gens d'un peu partout. Ce qui est important pour nous, c'est que ça soit vraiment un consensus sur les meilleurs papiers. Que ce soit des choses orientées recherche, sans pour autant que ça soit. On cherche pas forcément les stars. Nous, ce qui nous intéresse, il y a un petit mec qui vient, qui présente, il sort de son garage, comme diraient certains, et il présente quelque chose d'excellent, ou en tout cas de prometteur. C'est quelqu'un qu'on mettra en avant plutôt qu'une conférence qu'on a déjà vue 5 fois. Donc on essaye de pas trop non plus tomber dans le Security Circus, star system de la sécurité. Ouais, donc t'es, justement là-dessus, le positionnement de l'événement par rapport à des trucs bon qu'on connaît, comme ce que peut être le CCC, comme ce que peut être DEFCON, mais aussi par rapport à ce que peut être le STIC à Rennes, quand tu parles de Security Circus. Non, moi je pense que fondamentalement chaque conférence a un truc super intéressant à avancer, que ce soit la nuit du hack, le STIC, Hackito Ergo Sum ou FRAC qu'on avait vu une année, ou n'importe quelle conférence en France et a priori partout dans le monde, c'est super important que chaque conférence existe parce que à chaque fois c'est un public différent, des attentes différentes, aussi des conférences différentes. Il n'y en a pas une qui supplante l'autre. Maintenant, nous, on a une orientation clairement internationale. On a une orientation clairement sur le domaine de qu'est-ce qu'est la réalité de la sécurité, de quelle manière les hacks peuvent être ingénieux, efficaces, innovants. Quand je dis innovant, c'est vraiment disruptif dans l'approche intellectuelle. Donc, c'est pas ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez spécifique au niveau de Hackito Ergo Sum. Et sans trop de complexe qu'une personne vienne du côté indépendant, du côté gouvernemental, du côté défense, du côté industrie. L'idée, c'est de laisser ça au placard et de vraiment voir des gens passionnés qui s'éclatent à faire ce qu'ils veulent et justement de travailler pour faire en sorte qu'ils puissent le faire pendant longtemps. D'accord, donc t'es sûr, c'est justement travailler pendant longtemps, etc. T'es sur l'idée de pérenniser l'événement sur le long terme ? Oui, bien sûr, oui. Le but, c'est de continuer cet événement tant que ça sera nécessaire. Et puis de continuer à bosser sur des trucs réels, sur du contenu qui concerne tout le monde. Donc ça peut être de l'embedded, ça peut être des infrastructures, ça peut être sur le software en général. Bref, quand quelqu'un fait quelque chose, ça nous intéresse. D'accord. C'est quoi un petit peu les forces en présence ? J'imagine que le Templab et le milieu hackerspace parisien doivent pas être très loin. Oui, tout à fait. Je crois qu'on avait réussi l'année dernière à un bon mix. C'est-à-dire qu'il y avait une bonne partie des gens dans le domaine des hackerspace, une bonne partie de chercheurs indépendants, une bonne partie de gens qui étaient plus émergents, des gens aussi de l'industrie de la défense, du gouvernement. Ils peuvent continuer à venir sans aucun problème. Et peut-être que maintenant, il y aura des gens qui diront plus ce qu'ils font plutôt que de se cacher comme on a vu un peu l'année dernière. Mais ça, c'est un peu le jeu aussi. Du coup, moi, le but, c'est d'avoir un mix de tout ça. D'accord. Alors, au niveau, deadline, enfin tout ça, comment ça se passe, la timeline un petit peu de l'événement. Pour l'instant, l'appel à proposition vient juste d'être publié. Oui, tout à fait. Donc la conférence a lieu déjà du 7 au 9 avril. Oui. Ensuite, nous, on a une deadline pour les papiers qui va être le 1er mars. Donc ça sera un tout petit peu avant l'événement. Il y aura peut-être des papiers qui seront présélectionnés d'entrée de jeu parce qu'ils sont excellents et donc on les annoncera. Et puis sinon, au niveau des autres dates, on va avoir l'annonce prochainement des trainings, puisqu'on va faire des trainings juste avant la conférence pour par exemple des personnes qui veulent se former au reverse engineering, à la recherche de vulnérabilités automatisées. Bref, il y aura pas mal de différents thèmes de formation. Et donc nous, on va donc inciter le maximum de personnes à envoyer des réponses à l'appel à projet dès maintenant. Je crois que vous pouvez donc vous connecter sur akitoergosum.org et puis cliquer sur Apply et on attend vos papiers. D'accord, bah, de toute façon, il y aura un lien dans le résumé de l'émission. Oui. Dernière chose, parce que ça, c'est une question, je suis désolé, mais il faut que je te la pose. 120 euros le prix de l'entrée. Ouais. Alors, déjà, il y a un truc qui est assez important vis-à-vis de ça, c'est l'entrée corporate. Donc, c'est si tu fais partie d'une société, on pense que 120 euros, c'est moins cher que les 1500 euros qui sont nécessaires pour entrer dans certaines conférences que je ne nommerai pas. Ensuite, cette entrée, effectivement, quand on est student, ou alors quand on est étudiant, ou quand on est, par exemple, quelqu'un qui a publié des exploits, des techniques d'attaque ou de défense intéressantes, bref, ça c'est aussi 40 euros, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup moins cher. L'entrée du grand public, c'est 80 euros. Et s'il y a des volontaires qui veulent participer à l'organisation active du Akito Ergosum, c'est gratuit. Donc ils doivent s'enregistrer auprès de nous. Donc vraiment les personnes qui sont à la rue, qui n'ont pas d'argent, mais qui sont partants pour nous filer un coup de main, ben, y a pas de problème. Et d'accord. Donc, ça sert entièrement à payer les billets des speakers internationaux qui vont venir. Ça sert à payer aussi bah, tout ce qui est autour de la salle, hein, tout ce qui est, La salle c'est où exactement? Ça va se passer où? Non, c'est dans le centre de Paris, ça sera un peu peut-être différent par rapport à l'année dernière. Et donc on est en train de choisir parmi les partenaires qui nous proposent. D'accord, ok. Donc du 7 au 9 avril, donc du jeudi 7 au samedi 9 avril 2011 à Paris, akitoergosum.org pour toutes les informations. Des conférences a priori 100% techniques, c'est-à-dire que si c'est du contenu politique ou autre, c'est pas la peine d'essayer. On est ouvert à toute suggestion du moment qu'elle est bien. D'accord. C'est le programme committee qui va décider. D'accord. On n'est pas du tout. D'accord. Donc en anglais uniquement parce que dimension et positionnement tout à fait, enfin vraiment. Orienté international, mondial, etc. Tout à fait. Le grand village global qui est le nôtre. Mmh. Et puis, il faut envoyer toute proposition sur akitoergosum.org. Tout à fait. Il y aura un capture the flag aussi. D'accord. Un petit contest de hack local. Avec Nibbles et tout le monde? Avec, j'espère, toutes les personnes qui veulent, qui les désirent. On va essayer de l'ouvrir en remote pour que les personnes puissent participer à distance. Et voilà. Et puis, on espère avoir des soumissions de papiers qu'on n'imagine même pas. D'accord. Je te laisse le mot de la fin, rapidement, avant l'agenda. Eh bien, écoutez, dans la joie et la bonne humeur, j'espère qu'on se rencontrera tous pour Akito Ergosum. Donc, I hack, therefore I am, and... Donc à bientôt à toutes les personnes qui désirent venir. Bah écoute Philippe, l'émission est presque terminée, il me reste 2 minutes pour l'agenda. Je te remercie énormément d'avoir bien voulu parler avec nous. Bah merci à vous tous et continuez le superbe effort que vous faites sur Random. Bah écoute, je t'en remercie, bonne soirée à toi. À bientôt. Et bon dimanche, au revoir. Merci. Et donc de retour après cette superbe interview de Philippe Langlois, toujours intéressant à entendre. On a juste l'agenda à faire puisqu'il nous reste à peu près 2 minutes dans avant de clore cette 28e émission de Random sur les ondes de Radio Campus Lille 106,6 FM. Alors du vendredi 5 au dimanche 28 novembre, donc c'était aujourd'hui, il y avait donc Cité Philo 2010 à Lille, donc il y avait pas mal de confs intéressantes, bon j'en ai vu aucune, tant pis. Il y avait également ce week-end les Hack Weeks à Amiens. C'était cette semaine en fait, hein, voilà. Il y a 7 jours de décalage, je crois que t'avances un peu en fait. J'avance un peu? Parce qu'on est le 21. On est que le 21? Oui. Ah d'accord, ah, bah, d'accord. Donc, il y a encore une semaine pour Cité Philo 2010 et je suis certain qu'il y a des conférences à ce moment-là. Et la semaine prochaine, donc à partir de demain, à l'Élance. C'est spécial pour Gilles, tiens, mange, dans ta tête, dans le jeu. Tiens. Du lundi 22 au dimanche 28, ce sera les Hack Weeks numéro 2 à Amiens. Dimanche prochain, donc dimanche 28 novembre, ce sera l'Écho des Gnous, c'est numéro 5 sur Radio Campus, 106,6 FM. L'Écho des Gnous, l'émission préférée de Big Bilou. Voilà, 50 secondes. Vendredi 3 décembre 2010, meeting 2600 Lille, rendez-vous 19h30, Grand Place, www.2600lille.org pour toutes les infos. La prochaine émission Random, ce sera le dimanche 5 décembre sur Radio Campus, donc 19h-20h, ce sera Random 29, le 5 décembre. Du lundi 27 au jeudi 30 décembre 2010, ce sera le 27e Chaos Communication Congress, donc 27C3, à Berlin en Allemagne. On aura le FOSDEM le week-end du samedi 5 et dimanche 6 février 2011, ce sera à Bruxelles. Du jeudi 7 au samedi 9 avril 2011, on vient de le dire, il y aura Akito Ergo Sum 2011 à Paris en France. 20 secondes. Et on va vous souhaiter une bonne soirée. On va vous laisser avec votre émission électro préférée, Chupa Pimento. Voilà. Et puis, quel timing parfait. Ouais, une fois n'est pas coutume. Ouais, pour une fois, on est donc à l'heure. On se dit à dans deux semaines. La semaine prochaine, c'est l'écho des gnous. Et puis là, tout de suite, c'est Chupa Pimento sur Radio Campus, 106.6 FM. Salut. Bonne soirée, bon dimanche, au revoir.